Fight! Born to refresh. Merci d'écouter Vivacité, il est 11h. Et nous accueillons Justine Hermans pour les informations. Bonjour Justine. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Un secteur à la recherche de travailleurs chez nous, celui de l'industrie automobile. Des centaines d'emplois restent à pourvoir selon Agoria, la Fédération de l'industrie technologique. Elle évoque un problème structurel. À l'ouverture du salon de l'automobile en janvier, près de 500 emplois étaient vacants, tous départements confondus dans une trentaine d'entreprises. 6 mois plus tard, la plupart des fonctions administratives ont été remplies, mais pas les postes techniques. Ils mettent 2 fois plus de temps à trouver preneur que le délai normal d'1 mois pour les fonctions d'ouvrier et de 3 mois pour les fonctions de management. Dans l'actualité internationale, en Turquie, des entreprises sont dans le collimateur de l'État. 120 suspects sont recherchés par la police financière turque. Des personnes soupçonnées d'être en lien avec l'ex-imam Fethullah Gulen, celui qui est jugé responsable du coup d'État manqué par le président turc Recep Tayyip Erdogan. Depuis ce putsch raté, les autorités turques ont lancé une purge massive. Plus de 35 000 personnes ont été arrêtées. Le bilan s'est aggravé aux États-Unis à la suite des intempéries en Louisiane. 7 personnes ont perdu la vie à cause d'inondations. 30 000 ont été secourues. En Californie, ce sont les flammes qui posent problème. Un nouveau feu de forêt force des milliers de personnes à évacuer. À nouveau désespoir de médailles belges aujourd'hui aux Jeux Olympiques de Rio. En hockey, par exemple, les Red Lions se jouent en demi-finale ce soir à 22h, heure belge. S'ils gagnent, c'est la médaille assurée. Les Belges affrontent les Néerlandais. Autre bon espoir en voile avec Evie Van Acker. Elle devait déjà disputer sa demi-finale hier, mais elle a été reportée à aujourd'hui à cause de la météo. Pour l'instant, elle est 4e au classement. Elle peut encore décrocher le bronze. Et à suivre aussi en athlétisme, Jonathan Borlée sur 200 mètres et Anne Zagré au 100 mètres et. La fête se termine aujourd'hui en Outremeuse à Liège. Il reste l'enterrement de Matiloé cet après-midi et le feu d'artifice ce soir. 180 000 personnes ont participé aux festivités du 15 août en ce long week-end. C'est un peu moins que les années précédentes. Tout s'est déroulé sans incident. La météo, vous pouvez encore profiter du soleil aujourd'hui, des températures un peu plus chaudes qu'hier, de 20 à 26 degrés par endroit. Et vous pourrez savourer ce temps estival jusqu'à demain. Et jeudi, la grisaille fait son retour. Un point sur vos conditions de circulation avec Jean-Marc Strel et il y a un accident sur le 40. Effectivement, confirmé par la communauté Coyote, Liège-Bruxelles, au kilomètre 7.4, c'est juste avant Oulué-Saint-Étienne. La bande du milieu est neutralisée et quelques fils qui se sont formés en direction de Bruxelles. On parle déjà de 20 minutes de retard, patience. Il y a quelques ralentissements également sur le 40, venant de Gand, sur cet axe qui vous mène vers Bruxelles. Sur le ring, circulation extérieure entre Oulué-Saint-Étienne et Jette vers Grand-Bigard. Entre Andorlecté et Forêt dans la zone des travaux vers Halle et pour la circulation intérieure entre Bercé les Forêts vers Grand-Bigard et entre Wezembeek et Terveren vers Waterloo. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Et ce sont toujours les vacances sur Vivacité avec un air de vacances avec vous Stéphane Piedbeuf. Et vous savez ce qui se passe ce soir Justine? Le feu d'artifice à Liège? Oui, oui, et oui, pourquoi pas? Et puis après? Je ne sais pas. Ce soir, chez Boris, c'est soir à disco. Vous viendrez? Chez Boris, allez, on y va tous. Oui, on y va tous chez Boris. On l'appellera d'ailleurs tout à l'heure Boris, puisqu'on s'était tellement bien amusé quand on a diffusé ce tube de l'été. C'était au mois de juillet. Et ben, on a trouvé son numéro. Il s'appelle en fait Philippe Donte. Il s'appelle pas Boris. Si, c'est alias Boris, quoi. Mais en tout cas, on va l'appeler à 12h30 dans les People en vacances. Comme ça, vous êtes au courant. Vous revenez à midi? À tout à l'heure. Le rendez-vous est pris. Une rentrée moins chère plus une rentrée moins chère égale Cora. Tout le monde est d'accord? Une rentrée comme ça, c'est chez Cora. Ou chez Cora. Un air de vacances sur Vivacité. De 11h à 13h avec Stéphane Piedbeuf. Alors, petit check, on a la crème solaire. On va en avoir besoin aujourd'hui parce que le soleil brille déjà de mille feux un peu partout. C'est génial. Le parasol est là. Les lunettes sont également présentes. Le bar de la plage vient d'ouvrir. On va aller chercher un petit café. Puis pourquoi pas un cocktail parce qu'on approche de l'heure de l'apéro. On appellera Sarah de Padua. On l'invitera sur le transat d'un air de vacances à 11h30. Et puis Boris à 12h30 dans les People en vacances. Et puis il y aura des tubes de l'été, bien entendu, avec Francky Vincent et Fruit de la passion, ce sera dans un instant. Et tout à l'heure, il y aura aussi Laurie. Et puis les cadeaux, bien sûr, on vous emmènera à Paradise dans quelques instants avec notre jeu de plage. C'est pas tout, il y aura d'autres cadeaux, d'autres surprises. Un seul conseil, reste à l'écoute. On est là, bien installé, les pieds dans le sable jusqu'à 13h. Un air de vacances sur Vivacité. La peine au fond d'une fiole, puisqu'on ne sera plus ensemble. Si fier qu'on s'abandonne, c'est fou ce qu'on se ressemble. On ne se reverra pas. T'aimes tant te faire du mal. L'amour, c'est comme ça. Tout ne tient qu'aux détails. Alors j'écoute du Miles Davis. Et le temps passe. On s'afflige des supplices. Puis on se lasse. Prisonnier de mon spleen. La peine c'est pas du toc. Des larmes de crocodile en font Herbie Hancock. Donne-moi de tes nouvelles. Si la nuit tu es seul, peu importe qu'on s'aime ou qu'on se fasse la gueule. Alors j'écoute du Miles Davis. Et le temps passe. On s'afflige de supplice. Puis on se lasse. Alors j'écoute du Miles Davis. Et le temps passe. On s'afflige de supplice. Que tu m'aimes au fond de cette spirale, ce fan, les chrysanthèmes, ce fan, tous tes pétales. Alors j'écoute du Miles Davis. Dans quelques instants, notre tout premier tube de l'été, Vivacité avec Francky Vincent. Il y aura aussi la météo des plages et de vos vacances avec Nicolas Xavier Ladouce. Mais tout de suite, nous vous invitons à Paradise avec encore une fois un cadeau merveilleux. Et oui, puisqu'on vous invite en famille, deux adultes, deux enfants, à vous rendre à Cambron-Castaux, dans ce cadre complètement paradisiaque de Paradise, avec Baby Panda, bien sûr, qu'on peut maintenant observer, mais c'est pas que ça, Paradise. Il y a plein de choses pour se ressourcer, notamment. Il y a le Jardin des Mondes, il y a la Lagune, il y a la Vallée de la Source, la Porte du Ciel, la Terre des Origines, puis les animaux, comme les Lémuriens, par exemple, très impressionnants, les pandas roux, les pandas géants aussi, les gorilles, les orang-outans, et puis le cimetière des moines ou encore le village de Timor, voire le village de Tamberma. C'est vrai que c'est énorme, c'est gigantesque Paradise, et quand on y va, on se ressource. C'est bien plus qu'un zoo, et si vous souhaitez y aller grâce à Vivacité, eh bien c'est par SMS que vous allez jouer avec nous. Au 60-03 pour 75 centimes d'euros l'envoi de message. C'est encore une fois un jeu que certains disent qu'il est compliqué, d'autres pensent que c'est simple, évidemment, il faut avoir la bonne réponse. Le but du jeu de plage, c'est très simple, on vous passe une seconde d'une chanson et c'est à vous de trouver non pas le titre de la chanson, mais l'artiste. L'artiste qui est derrière cette chanson. Ça dure une seule seconde et c'est à vous d'envoyer la bonne réponse au 6003. Écoutez. Ah oui, c'est très court, une seconde. Si vous avez la réponse, eh bien c'est par SMS au 6003. Si vous souhaitez vous rendre à Peridaïsa pour une journée inoubliable en famille, avez-vous identifié ce titre et l'artiste qui se cache derrière? À vous de jouer, bonne chance. Vivacité présente Templou 2016, la plus grande brocante de Belgique, les 20 et 21 août. 6 km de brocante et plus de 1500 exposants vous attendent pour ce rendez-vous immanquable de l'été. Brocante et collection commencent dès le samedi matin. La brocante de Templou, avec le carnet des collectionneurs, l'avenir.net et Proximag. Templou.be. Retrouvez les observations et les prévisions météo sur rtbf.be. Vabona, votre arme contre les insectes. Vivacité présente la 12e fête médiévale de Remouchamps, c'est 20 et 21 août. Combats de chevaliers, joutes équestres, montreurs de rapaces, jongleurs, troubadours, concerts ménestrels, feux d'artifice. Assistez au spectacle ou passez votre brevet de l'écuyer en participant aux animations. Info www.fetemedieval.be. Génial, le parc du Montmauzan. Les spectacles d'otari, de perroquets, le mini-zoo, les attractions, le mini-golf, la plaine de jeux. Mes parents aussi ont adoré. D'ailleurs, ils m'ont promis qu'on y retournerait. Une journée toujours inoubliable au Montmauzan, pleine de la Sarthe à Huy. Surfez sur montmauzan.be. Parc le Montmauzan, une montagne d'amusement. Jusqu'à 13h, Vivacité a un air de vacances. Il n'y a pas que la fête dans la vie. Il y a le sexe aussi. C'est l'heure de notre tout premier tube de l'été, Vivacité, avec Francky Vincent et Fruit de la Passion. Le chanteur de zouk guadeloupéen, Francky Vincent, est réputé, vous vous en doutez, pour ses textes grivois. On lui doit notamment le célèbre... Tu veux mon zizi? Mais avant ce fait d'armes, il s'est surtout fait connaître grâce à ce titre qu'on retrouve sur son album Alice, ça glisse. Le titre cartonnera aux Antilles dès 1991, avant d'arriver chez nous quelques années plus tard en 1994 et nous faire chanter « Vas-y Francky, c'est bon » durant tout l'été. Et ben voilà, on va le chanter encore une fois aujourd'hui. « Vas-y Francky, c'est bon », voici le fruit de la passion sur Vivacité, notre premier tube de l'été. Et le clip est bien sûr sur notre site internet. Rendez-vous sur Vivacité. .be, vous cliquez sur un air de vacances. Et j'ai 5 heures, c'est lundi, il est pour nous à travail. Ou pas voulez lever ou amourer, on nous fait mal à l'hiver. Paraît-il le matinal, un bon week-end qui est infernal, si on dit un fondamental. Marie Chantal. En cas senti vous tout uni, et moi-même en tout uni, car ça au cas transporter moi, on manie transport en commun, tibou glaï bien caché, qui est content et mal élevé, attends, c'est laisser aller. Continuez. Chérie, tu me donnes ta passion, et je trouve ça fabuleux. Je ne suis pas branché sentiment, je suis plutôt super amant. Aujourd'hui, tu vas oublier. Tous les tocards qui n'ont pas assuré. Il n'y a pas que la fesse dans la vie, il y a le sexe aussi. Vas-y Francky, c'est bon. Vas-y Francky, c'est bon, bon, bon. Vas-y Francky, c'est bon. Vas-y Francky, c'est bon, bon, bon. Vas-y Francky, c'est bon. Vas-y Francky, c'est bon, bon, bon. Vas-y Francky, c'est bon. Vas-y Francky, c'est bon, bon, bon. Tes petits seins, pas besoin de me faire un dessin. À pleine main, je prends tes hanches et tu cesses de faire la planche. Tiens, voilà ton étalon qui enlève son pantalon. Et c'est avec émotion que je touche au fruit de la passion. Vas-y, Francky, c'est bon. Vas-y, Francky, c'est bon, bon, bon. Vas-y, Francky, c'est bon, bon, passion. J'aime quand tu touches. Fruit de la passion. Oh, c'est super. Fruit de la passion. Oh, Francky, c'est génial. Fruit de la passion. Bon dessert, mon amour. Fruit de la passion. Décidément, c'est dément. Fruit de la passion. Quelle aventure. Fruit de la passion. Ça me fait soupirer. Fruit de la passion. Oh. C'est plus que jamais, toujours l'été sur Vivacité cette semaine, un air de vacances avec les People en vacances dans quelques instants. Nous appellerons Sarah Depadua dans les People en vacances, elle est toujours en congé puisqu'elle reprendra le 6-8 la semaine prochaine. Mais juste avant, eh bien, nous appellerons aussi Nicolas-Xavier Ladouce pour connaître la météo de notre littoral et aussi la météo de vos vacances car il y a des Aoussiens qui partent seulement maintenant. Lost it all today. Tell me honestly, would you still love me the same if I showed you my flaws? If I couldn't be strong, tell me honestly, would you still love me the same? Right about now. If I judge for life, man, would you stay by my side? Or is you gonna say goodbye? Can you tell me right now? If I couldn't buy you the fancy things in life, shawty, would it be alright? Come and show me that you don't. Now tell me, would you really ride for me? Really ride for baby, me? Tell me, would you die for me? Tell me, would you die for would me? You spend your whole life with me? What's up? Would you be there to always hold me down? Tell me, would you really cry for me? Would you really cry for me? Baby, don't lie to me. Baby, don't lie to if me. I didn't have anything, so I wanna know, would you stick around? If I got locked away and we lost it all today, tell me honestly, would you still love me the same? If I showed you my flaws, if I couldn't be strong, tell me honestly, would you still love me the same? Skiddly down, down, down, dang. Girl, I know that I can trust to be here when money low. If I did not have nothing else to give but love, would that even be enough? Y'all, me need to know. Now tell me, would you really ride for me? Really ride for me? Baby, tell me, would you die for me? Tell me, would you die for would me? You spend your whole life with me? What's up? Would you be there to always hold me down? Tell me, would you really cry for me? Would you really cry for me? Baby, don't lie to me. Baby, don't lie to if me. I didn't have anything, so I wanna know, would you stick around? If I got locked away and we lost it all today, tell me honestly, would you still love me the same? If I showed you my flaws, if I couldn't be strong, tell me honestly, would you still love me the same? Tell me, would you want me? Tell me, would you call me? Call me if you knew I wasn't ballin'? Cause I need a girl who's always by my side. Tell me, do you need me? Need me. Tell me, do you love me? Yeah. Or is you just trying to play me? Cause I need a girl to hold me down for life. If I got locked away and we lost it all today, tell me honestly, would you still love me? Showed you my flaws. If I couldn't be strong, tell me honestly, would you still love me the same? If I got locked away and we lost it all today, tell me honestly, would you still love me the same? Locked Away, c'est Air City et Adam Levine. Et dans quelques instants, il y aura Johnny Hallyday sur Vivacité. Et vous gagnerez en plus de Paradisa, eh bien, des entrées pour aller à la Nuit des Cœurs à Villers-la-Ville, dans le cadre magnifique des ruines de l'abbaye de Villers-la-Ville. Il y aura entre autres Michel Fugain et vous gagnerez une entrée pour vous et la personne de votre choix. Ce sera dans quelques instants sur Vivacité. Tout l'été, pendant les 13 semaines du Beau Vélo de Ravel, Vivacité vous emmène découvrir un site touristique ou un musée de Wallonie et de Bruxelles en famille. Écoutez Vivre ici pour gagner les 4 entrées mises en jeu. Une belle occasion de s'offrir une sortie familiale estivale en collaboration avec Ciné-Télé-Revue et 365.be. La 2 en télé. Retrouvez les actualités et les résultats des Jeux Olympiques dans Viva Rio Le Mag. Tous les jours à 14h sur la 2. 11h, 13h, un air de vacances sur Vivacité. Et 11h20, c'est l'heure de votre météo des plages et de vos vacances aussi. Et c'est toujours agréable quand la semaine commence un mardi. Militons pour les 3 jours de week-end. Ça fait du bien, surtout quand nous pouvons prendre une bonne dose de vitamine D. Nicolas Xavier Ladouce, bonjour. Ceux qui prolongent le week-end ou qui sont en vacances à la côte sont ravis. Oui, une très belle journée au littoral, très ensoleillée pour ce mardi. On attend 22 degrés dans l'air sur les différentes localités, 18 degrés dans l'eau. L'élément qui sera sans doute le plus dérangeant, eh bien c'est le vent qui va se lever, qui va même devenir assez fort au fil des heures de l'après-midi. D'où l'indice de confort de plage qui sera jaune. Cela dit, ce sera très agréable néanmoins avec un index UV de 5. Donc, protection bien nécessaire, appliquez de l'écran solaire et vissez-vous un chapeau sur la tête. Les juilletistes sont bronzés, certains haussiens aussi. Ceux qui sont pâles partent et vous demandent la météo de leurs vacances. Nicolas Xavier, Sophie et Jean-Marie s'envolent pour Casablanca au Maroc. Eh bien Sophie et Jean-Marie, vous aurez du très très beau temps dans l'ensemble. Il y aura parfois des nuages le matin qui, au bord de l'Atlantique, sont parfois présents. Ils devront se déchirer pour retrouver le soleil qui s'imposera rapidement. Côté température, 32 degrés attendus aujourd'hui à Casablanca, 28 degrés pour mercredi, 27 jeudi et puis 27 également vendredi avant week-end, entre 28 et 29 degrés. La température de l'eau de mer, 25 degrés, un indice de confort de plage vert, donc excellent. Et un index UV aux alentours de 6, donc protection obligatoire. Merci Nicolas Xavier, on vous retrouvera tout à l'heure pour de prochaines météos des vacances. Mais tout de suite, c'est Jane sur Vivacité avec le célèbre titre Makeba. Soul. I wanna feel oppressed without any rest. I wanna see you sing, I wanna see you fight, 'cause you are the real beauty of human rights. Ooh, makeba, makeba, makeba, la, can I get a ooh, makeba, makes my body dance for ya. Ooh, makeba, makeba, makeba, la, can I get a ooh, makeba, makes my body dance for ya. You follow the beat that she's gonna give ya. Only a smile you can all make it go. The separation of a thousand more. Ooh, make it bomb, make it bomb, make it bella. Can I get a ooh, make it bomb, makes my body dance for ya. Ooh, make it bomb, make it bomb, make it bella. Un air de vacances sur Vivacité avec dans un instant Sarah Depadua dans les People en vacances. On l'appellera en direct depuis ses vacances, mais tout de suite, c'est encore une fois des cadeaux pour vous. Avec deux places pour la Nuit des Cœurs, c'est à Villers-la-Ville, c'est bientôt, hein, ce sera le 26 août. Et le cadre est magnifique puisque vous allez vous plonger dans les ruines de l'abbaye de Villers-la-Ville et vous pourrez applaudir, entre autres, Michel Fugain. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. Alors il sera pas tout seul, hein, il sera avec son chœur en acoustique et puis une chorale géniale, Scala et les frères Kolakny, le chœur national d'hommes d'Estonie et plein d'autres. Bref, un chouette moment pour vous et la personne de votre choix, on vous y invite. Et vous allez jouer avec nous par SMS au 6003 pour 75 centimes d'euros l'envoi de message si vous souhaitez y aller. Donc Villers-la-Ville le 26 août. Si vous souhaitez y aller, il va falloir identifier un humoriste ou un groupe d'humoristes dont voici un extrait. Bon, rien de grave, monsieur Gentil, rien de grave. J'en prie, asseyez-vous, monsieur Gentil. Non, rien de grave, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, monsieur Gentil, rien de grave, hein. De qui s'agit-il? Si vous avez la bonne réponse, eh bien envoyez-la par SMS maintenant au 6003 et dans quelques instants à peine, on vous appellera en direct sur Vivacité pour vous inviter, vous et la personne de votre choix, à la nuit des cœurs à Villers-la-Ville. Voici une des plus belles chansons de Johnny Hallyday tout de suite, c'est Laura sur Viva. Laura, il y a tant d'hommes. Je ne suis pas. Il y a tant de phrases qu'on dit que je ne te dirai pas. Oh, oh Laura, j'aurais tant à apprendre de toi. Tous ces mots tendres qu'on sait, moi je ne les sais pas. Entendra pas. J'ai des bonnes. Ah oui, c'était Johnny sur Vivacité avec Laura. Direction les rutes à présent avec Jean-Marc Strail. Coucou. Que ça va, que ça roule. Ouais, sur le 411 venant de Namur, il y a quand même quelques ralentissements pour accéder à Bruxelles, mais moins évident que tout à l'heure, ça se résorbe, je l'apprends à l'instant. Par contre, le 40 venant de Liège, entre Everberg et Woluwe et Saint-Étienne, toujours un peu de monde vers Bruxelles. En ce qui concerne la circulation extérieure de Ring de Bruxelles, entre Woluwe, Saint-Étienne et Wimmel vers Grand-Bigard, toujours un peu de monde également. Et pour la circulation intérieure, entre Bercé des Forêts dans la zone des travaux vers Grand-Bigard, et entre Wezembeek et Terveren vers Waterloo. Merci Jean-Marc, on vous retrouve tout à l'heure après le flash de midi. À tout à l'heure. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. 6h, 8h, le 6-8. Avec Sarah de Padua. Bonjour Sarah. Bonjour Sarah, bonjour à tous. Bon, comment ça va? Ah, ça me fait bizarre d'entendre cette musique. Oui, ça va bien. Et eh ben oui, eh ben, effectivement. Et dès lundi, ça y est, vous serez de retour dans le 6-8. Oh oui, avec beaucoup de plaisir. J'ai eu 5 semaines de congé, figurez-vous, quelle chance. Et alors, comment ça s'est passé, vos vacances? Enfin, comment se passe-t-elle? Parce que c'est pas encore complètement terminé. Vous êtes parti? Non, monsieur, il nous reste encore quelques jours. Oui, on est parti le 15 juillet. On est parti 2 semaines dans le sud de la France, à la Grande Motte. Oui. Et puis, on a un peu visité la Paris, la famille au sud de Paris. Et puis, on est rentré tranquille à la maison. Chez la maison, là, je range ma chambre. Ah bah, c'est super. Les valises sont défaites, là. Ça y est, c'est terminé. Pas tout à fait, pour tout vous dire, justement. Il faut s'activer. Tiens, vous êtes plutôt camping ou hôtel, Sarah? J'adore le camping, mais là pour l'instant, comme les enfants sont encore fort petits, je dois dire on a été un peu à l'hôtel là. D'accord. Enfin, pas vraiment l'hôtel, mais un club quoi. Ouais, piscine, mer, montagne. Montagne, mer, les deux. Les deux, bon, la piscine, vous les trois, hein, vous pouvez tout prendre, il n'y a pas de problème. Les trois, oui, je prends tout. Quelle est la météo idéale de vos vacances? 24, 25 degrés, full soleil évidemment, on en a besoin. Et un petit vent aussi quand même pour rafraîchir, pas trop chaud. D'accord. Quelle est la chanson qui représente le mieux l'été pour vous? Alors ça peut être un tube de cet été, mais ça peut aussi être un tube plus ancien. La chanson, difficile d'en choisir une, etc. Un truc bien entraînant, je sais pas, un petit Gilbert Montagnier par exemple. Le Sunlight des Tropiques, par exemple. Par exemple. Bon, ou bah, c'est très bien. Ouais, une chanson avec laquelle on peut chanter quoi. Très bien, bon, on va vous la trouver, mais en attendant on va passer à l'apéro, hein, parce que c'est important ça l'été, l'apéro, ouais. Les boissons. Est-ce que vous avez un cocktail ou un apéro de prédilection pendant l'été? Cocktail, j'adore les caipirinhas, mm-hmm. Ou les mojitos, mais je suis pas très cocktail alcool fort en fait. Je préfère un petit rosé ou voilà, y aller tranquille. Une petite bière, pourquoi pas. Ah ok, la bière. Mais je suis pas très alcool fort. Mais bien fraîche alors, hein. Voilà. Comment? Bien fraîche, je disais, la bière. Forcément. Quel est votre plat préféré de l'été? Salade sous toutes les sortes. Moi j'adore vider le frigo. Voilà, j'ai toujours un peu de laitue qui traîne et puis on met tout ce qui reste. Tomates, petits pois, carottes, pommes de terre, saucisses. J'aime bien composer différentes salades. Oui, je suis très salade. La glace plutôt fraise, vanille, chocolat ou alors un autre parfum? Fraise, vanille, chocolat, mais plutôt vanille alors. Mais mm-hmm. Je suis plus du tout sucrée. Non. Voilà. Mes enfants en font sucre, mais moi, non, je suis plutôt chips, saucisson, cacahuètes, etc. La glace, plus trop, non. Mais okay. Je peux choisir, plutôt vanille. Dans quel endroit vous sentez-vous en vacances chez nous, en Belgique? Chez moi, là, déjà maintenant, en rangeant ma chambre, et où je me sens à la mer du Nord. La mer du Nord ou les Ardennes, je trouve qu'en peu de kilomètres, on arrive à être totalement dépaysé. Et c'est vraiment, je dirais, plutôt la mer du Nord pour mes souvenirs vacances, allez, quand j'étais petite. Bon, très bien. Une station en particulier, Ostend, Blankenberg, Knokke? Bon, un peu comme tout le monde, hein, Blankenberg, on a beaucoup été là-bas, oui, avec la maison là, dans la mer, qui s'en va loin dans la mer. Ouh là là, là j'avais 8-9 ans. Ouais. Et sinon, pour l'instant, j'ai beaucoup le coq de Anne. Oui, de Anne, oui. Oui, c'est vrai que oui, c'est sympa. En plus, il n'y a pas de grand building là, si mes souvenirs. Exactement, ouais. Et la plage est plutôt petite. Voilà, il y a une belle plaine de jeux, tout ça. C'est chaque fois là qu'on va maintenant. Bon, bah c'est parfait. Et votre meilleur souvenir de vacances de tous les temps, c'est lequel? Difficile, vous me prenez le cours là. Difficile parce que j'ai pas beaucoup de mémoire. J'ai un peu une mémoire de poisson rouge dans le bocal, donc je dirais. Celle-ci était vraiment très très très très très bien. Ouais. Sinon, j'ai vraiment un souvenir avec deux copines. On a fait la Corse en stop, camping. En stop, hein, carrément. Ouais. Oui. Et on a fait le nord-sud. Voilà, et on a croisé un gars juste bizarre. Très simple. Ah. Un peu. Ouais. Ah. On vous perd, Sarah. On vous perd. Vous êtes là? On a l'impression qu'il faut le décodeur là. Vous êtes toujours là? Oui. Allô? Ah bon, mince. Sarah? Allô? Les Swiss. Sarah? Ah voilà, ah, on vous récupère. Ah, vous étiez au fond de la Corse là, hein. Il y a pratiquement plus de réseau. Donc on a retenu la Corse en stop. Après, quand vous avez parlé du gars, on n'a plus rien compris. Ah, il était baraqué de prime abord, et puis après, il était très sympa, en fait. Voilà, d'accord. Et grâce à lui, on a fait tout, on a traversé toute la Corse. Bon, bah c'est génial. Super souvenir. Donc, dès lundi, le 6-8, il y a d'autres projets avec pour la rentrée. Stéphane. Mais oui, avec plaisir, hein, évidemment, et on sera là. Le coup bah bien sûr, oui, on s'amuse bien, vous savez, c'est top, hein. Hâte d'être lundi. Pour ce matin, et puis le 11-13 sur Vivacité, waouh, tous les jours. Bah écoutez, c'est un air de vacances, hein, avec des musiques comme Gilbert Montagné, par exemple. Ça rebooste, hein. Voilà. Oh voilà, voilà. On s'y croit, on est prêt là. Mais ouais, on est prêt. Bon ben à lundi, à quelle heure branchez-vous votre réveil lundi pour arriver à 6h? Aïe aïe aïe, 4h moins quart. Ah c'est tôt hein. C'est tôt, 4h moins quart du matin. Je pense que je vais être un peu décalé, oui, parce que là j'ai plutôt l'habitude de me lever vers 8h, 8h30. Ouais. Ça va pas mal. Quoique, vous voyez, vous n'êtes pas parti avec un jet lag, mais il y aura quand même un jet lag pour votre entrée. Ce sera comme ça. Tout à fait. Bon, et on vous fait plein de gros bisous. Profitez encore de ces quelques jours de soleil en plus pour bien, bien vous reposer. Et puis, on a hâte évidemment de vous retrouver dans le 6-8 lundi sur la Une dès 6h sur Vivacité aussi. Bisous, Sarah. Oh, c'est sympa, moi aussi j'ai hâte. Gros bisous tout le monde. Bisous, bisous. Bisous, Stéphane. Bisous à tous. Ciao. This was all you, none of it me. You put your hands on my body and told me. You told me you were ready for the big one, for the big jump. I'd be your last love, everlasting, you and me. That was what you told me. C'était Adèle sur Vivacité avec Send My Love to Your New Lover. Émilie est déjà là. Allô. Ça. Allô. Oui. Allô, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Vivacité. Merci, bonjour. Quel est votre prénom? Claudine. Claudine, vous aimez Michel Fugain? J'aime beaucoup Michel Fugain, je l'ai déjà vu plusieurs fois. Que faites-vous le 26 août? Oh bien, j'ai fait un musée. Eh ben oui, vous irez à l'abbaye de Villers-la-Ville voir Michel. Oui. Et il sera pas tout seul, hein, parce que il y aura le chœur acoustique et puis Scala et Kolakny Brothers avec le chœur national d'hommes d'Estonie aussi. Donc un sacré programme. Ah oui, Scala c'est très beau aussi. Oui, hein, les frères Kolakny, ils ont repris des chansons de Pierre Rapsat, je pense, il y a quelques années. Il y a 3 ans au Franco, je pense. Oui, tout à fait. Bah, pas que au Franco, mais en tout cas, voilà, c'est vrai que c'est une chorale qui a une bonne réputation et je suis certain que vous allez avoir plein de frissons en allant voir tous ces concerts. Je suis très contente d'avoir gagné 2 places. Eh ben, on vous embrasse très fort. Merci beaucoup. Eh ben, nous aussi. Merci. Vous êtes dans quelle région? C'est très gentil. Fleurus, donc Fleurus. Je suis pas très loin de Villers-la-Ville, non. Ah bah c'est impeccable ça. Vous êtes à 2 pas de là-bas. On vous embrasse, Claudine. Gros bisous. Merci. À bientôt. Bonne journée. Bisous. Bonne journée. Au revoir. L'été du bon côté sur Vivacité. Comment va Émilie de Kegel ce matin? Eh ben, elle va bien. J'allais dire lundi matin, ça mais non. Matin. Nous sommes mardi. Nous sommes mardi, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Ça veut dire que nous nous rapprochons déjà dangereusement du week-end. Oui. J'ai y pensé. C'est vrai, ça, il ne reste plus que quelques jours. Voilà. Vous avez bien fêté le 15 août? Oui, très bien. Très, très bien. Oui, très, très bien. Très, très bien. Vous êtes arrivée avec 2 petites pâquerettes. Assorties à la robe, c'est la. Assorties à votre robe. Fleurs. Voilà, voilà, les fleurs, ce sont vos boucles d'oreilles, les pâquerettes. Voilà. L'été du bon côté. Oui, l'été du bon côté, un été qui n'est pas fini, hein, qui non. commence peut-être d'ailleurs pour vous. Ça tombe bien, nous sommes encore ensemble jusqu'à vendredi, avec aujourd'hui une émission spéciale dans le sens où nous allons partir en vacances, mais pas n'importe comment. Alors, si nous avons vu depuis le début de l'été comment partir comme il se doit en voiture, avec les plus jeunes, avec les enfants, avec les animaux aussi, il y en a qui ont l'opportunité de partir seuls ou accompagnés en vacances à moto. Ah, et là aussi, il y a des précautions à prendre, il y a des petites choses très sympathiques et je pense que nous avons choisi comme invité la personne, the person. Ah bon? Puisque c'est un motard, allons... j'imagine. Ah, bah, et c'est plus qu'un motard, c'est vraiment un expert en la matière, c'est Didier de Radiguez. Carrément? Carrément! Un amigo qui va venir, top, voilà, qui va venir nous en parler, Didier, qui vient là à titre de, via la RACB Academy, puisqu'il a une académie qui vous permet d'apprendre à maîtriser votre engin. Donc si vous avez déjà des questions, vous avez des anecdotes, des expériences de vacances à moto, par exemple, seul ou à deux, n'hésitez pas, on attend vos commentaires via la page Facebook ou déjà dès à présent via le SMS, hein, oui, vous connaissez la chanson. C'est le 3063 pour 50 centimes d'euros, voilà. L'envoi de message. Tiens, le Liechtenstein, ce sera tout à l'heure, le hit-parade du Liechtenstein un petit peu avant le journal de 13h. J'ai trouvé un truc extraordinaire. Eh ben, on se réjouit de vous écouter. Je fais mon footing au milieu des algues et des coraux. Et je fais mes pompes sur les restes d'un vieux cargo. Je dis bonjour, faut bien que je me mouille. C'est ma dernière surprise partie, je m'écrase le nez au hublot. J'ai mon contrat de confiance, l'encéphalo qu'il faut. J'ai du bol, j'en vois un qui rigole. C'est comme ce type qui voudrait que je me soigne et qui abandonne son kleps au mois d'août en Espagne. Je sens comme un vide. Remets-moi Johnny Kid. Oh Gabi, Gabi, tu devrais pas me laisser la nuit. Je peux pas dormir, je fais des conneries. Oh Gabi, Gabi, 1981, Gabi oh Gabi, c'était Alain Bashung sur Vivacité. Dans un instant, il y aura Kid Noise avec Ocean et puis nous retrouverons aussi Aurore Salsano qui va nous donner des conseils pour éviter d'être embêté par les moustiques. Voltaren est un médicament au diclofénac. Pas d'utilisation prolongée sans avis médical. Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans en cas d'hypersensibilité aux agents anti-inflammatoires non stéroïdiens ou en cas de grossesse. Lire attentivement la notice. Aujourd'hui, on va travailler les poignets. On sort de l'eau, on prend sa serviette et on la tient bien fermement. Et on la laisse flotter au vent. Et hop, on la secoue. Allez, bien souple les poignets, il reste du sable. Retrouvez le plaisir de bouger grâce à Voltaren Emulgel Forte contre les inflammations douloureuses de vos articulations. Une seule application toutes les 12 heures. Soulage votre douleur durablement. Vivacité et la 2 présente l'AG Insurance Memorial Van Damme le vendredi 9 septembre au Stade Roi-Baudouin. Le plus beau meeting d'athlétisme au monde fête ses 40 ans avec les meilleurs athlètes des Jeux Olympiques. Un feu d'artifice et un concert pétillant pour clôturer la soirée. Plus d'infos sur aginsurancememorialvandamme.be. Samouraï, Dame, Tomasenko, Ablaï Sissoko et Constantinople, Lula Pena, une carte blanche à Manu Hermia, Trick Track Trio et Polairement, Diab Quintet, Refugees for Refugees, des stages, des concerts gratuits intra et extramuros. Le Festival d'art de Oui, musique et voix du monde. Du 20 au 24 août. Info, oui-artfestival.be. Avec l'avenir et vivacité. Il y a un truc qui va vraiment nous faire plaisir dans un instant, ce seront les quelques mots d'amour de Michel Berger sur Vivacité. Et puis tout à l'heure, si vous venez d'arriver, sachez que vous gagnerez vos accès à Paradise 1. On vous invite pour une journée inoubliable en famille pour deux adultes et deux enfants dans ce parc qui est bien plus qu'un zoo. Donc restez avec nous, c'est un air de vacances sur Vivacité et nous sommes là jusqu'à 13h. I swim a part of ocean. I fly the part of empty sky. Japan is my new direction. Moscow was amazing last night. I never closed the door. Behind me something more. One day I'll stop it all, it's true. And I will do it just for you. I swim a part of ocean. I fly the part of empty sky. Japan is my new direction. Moscow was amazing last night. I never closed the door. Behind me something more. One day I'll stop it all, it's true. And I will do it just for you. Door. Behind me something more. One day I'll stop it all, it's true. And I will do it just for you. And I will do it just for you. Behind me. C'est l'été, vous l'avez constaté, il y a plein de soleil, c'est top. Mais bon, il y a aussi les moustiques qui risquent de vous ennuyer si ce n'est pas déjà fait. Et heureusement, Aurore Salsano est là avec quelques trucs pour qu'ils ne vous embêtent pas trop, les moustiques. Et on va va commencer par quelques mises au point sur les moustiques. D'abord, il faut savoir que seules les femelles fécondées piquent. Elles ont besoin des protéines présentes dans le sang pour nourrir leurs œufs. Et quand on sait qu'en un mois, Madame Moustique peut donner naissance à 3000 moustiques, autant connaître quelques trucs pour s'en protéger. Deuxième chose à préciser, un moustique peut repérer à 50 mètres sa victime en détectant le CO2 produit par le corps et la respiration. Autrement dit, plus vous avez chaud, plus vous respirez intensément et plus vous attirez les moustiques. Avant de vouloir repousser ces fameux moustiques, tentons peut-être déjà de ne pas les attirer. Vu qu'ils aiment l'eau stagnante pour y déposer les larves, on évitera de laisser de l'eau traîner dans des soucoupes pour les fleurs sur la terrasse, par exemple. On changera aussi régulièrement l'eau des fleurs dans les vases et celle dans la gamelle des animaux. Autre bon plan pour les maisons, les moustiquaires évidemment. Ensuite, s'ils viennent quand même, chassons ces moustiques. Il y a les trucs connus comme la citronnelle, mais les moustiques s'y habituent très vite, donc ce n'est pas efficace. Optez plutôt pour de l'huile essentielle d'eucalyptus citronné ou de lavande. Vous pouvez placer une quinzaine de gouttes dans un diffuseur ou sur un mouchoir et même l'ajouter à votre gel douche ou votre crème pour le corps. Les moustiques détestent aussi les spirales à base d'encens, de poudre de bois et de thé, mais vu que l'odeur est assez forte, elle ne plaît pas toujours à tout le monde. Enfin, dans la liste des répulsifs naturels, citons des pots de basilic à placer sur la table ou les appuis de fenêtre, des infusions de thé et d'ail, des oranges piquées de clous de girofle ou encore le géranium et la menthe. Merci Aurore, on vous lit sur internet avec tous les autres conseils, d'ailleurs c'est sur vivacité.be, vous cliquez sur un air de vacances. Avec la carte Cora et le bon du Folder, jusqu'à 20% de remise au rayon papeterie. Une vraie leçon d'économie. Une rentrée comme ça, c'est chez Cora. Ou chez Cora, conditions en magasin. Tout l'été, pendant les 13 semaines du Beau Vélo de Ravel, Vivacité vous emmène découvrir un site touristique ou un musée de Wallonie et de Bruxelles en famille. Écoutez Vivre ici pour gagner les 4 entrées mises en jeu. Une belle occasion de s'offrir une sortie familiale estivale en collaboration avec Ciné Télé Revue et 365.be. Jusqu'à 13h, un air de vacances sur Vivacité. Je me retourne, tout le monde est là. D'où vient ce sentiment bizarre que je suis seul parmi tous ces amis et ces filles qui ne veulent mon village capital. Où l'air chaud peut être glacial. Où des millions de gens se connaissent si mal. Je t'envoie comme un papillon à une étoile. Mon décor, je t'envoie mes sourires les jours où je me sens plus fort. Je t'envoie mes voyages, mes jours d'aéroport. Je t'envoie mes plus belles victoires sur l'ironie du sort. Et dans ces boîtes pour danser. Les nuits passent inhabitées. J'écoute les battements de mon cœur me répéter. Aucune musique au monde ne saura remplacer. Quelques mots d'amour. de mon village sans à l'heure. Où les docteurs greffent les cœurs. Où des millions de gens se connaissent si mal. Quelques mots d'amour, c'était Michel Berger sur Vivacité. Et restez avec nous, car dans quelques instants, on va réécouter l'extrait d'une seconde qui vous permettra eh bien, de remporter peut-être ce magnifique cadeau, une journée inoubliable en famille à Paradisa pour deux adultes et deux enfants, direction Cambron-Casteau. On en parlera après le journal et puis il y aura bien sûr notre second tube de l'été. Vous êtes déjà peut-être allé voir sur vivacité.be. Alors tout à l'heure, c'était Francky Vincent avec Vas-y Francky, c'est bon. Mais dans un moment, il y aura Laurie avec Sur un air latino et puis les people en vacances. Alors ça c'est énorme quand même. Parce qu'au début de l'été, souvenez-vous, vous étiez peut-être là ou alors vous étiez en vacances. On a diffusé Boris Soirée Disco, ok ? Ce soir, chez Boris, c'est Soirée Disco. Go. Et c'est vrai que... À l'époque, on s'était vraiment bien amusé, on avait fait clignoter le studio avec l'équipe, on a dansé comme des fous furieux et puis on s'est dit, bah, tiens, ce serait bien d'appeler Boris. Parce que bon, bah, voilà, c'était le hit des années 90 en 1995. Et bah, sachez qu'on a trouvé son numéro. On va l'appeler en direct à la radio. Il s'appelle en fait Philippe Dante et on l'appellera en direct sur Vivacité à 12h30 dans le cadre des People en vacances. Donc ne manquez pas le questionnaire des People en vacances avec Boris. Ce sera soirée disco tout à l'heure. Dans quelques secondes, on s'informe avec Justine Hermans. À son paroxysme. Tous les matins, Vivacité vous propose une séance de rattrapage. Les meilleurs moments des émissions de la veille. Vous embrouillez tout, hein, Benjamin Maréchal. Et bien sûr, toutes les infos dont vous avez besoin pour bien commencer la journée. On fait d'air chaud qui nous arrive. Vivacité matin, dès 4h30, avec Karine Bresse. Le matin, c'est malin. Coa, coa, coa se la grenouille. L'été bientôt là, elle remontre sa bouille. Pédale Lucien au milieu des boas. Comme tu te sens bien, coa, coa. Visqueuse grenouille. Lucien glisse et son vélo crie ouille. Tu t'es fait battre, Lucien, par un batracien. Voilà pourquoi les AP Assurances vous proposent l'assistance vélo. Une assistance 24 heures sur 24 pour toute la famille à 60 euros par an. Plus d'infos sur lap.be. Les AP Assurances, toujours à vos côtés. Ceci est un produit d'assurance d'AGA International SA Belgian Branch. Merci d'écouter Vivacité, il est précisément midi. L'actualité avec vous, Justine Hermans. Bonjour à tous. Les policiers de Charleroi en ont marre d'être photographiés, filmés et parfois de se retrouver sur Facebook. Du coup, la police de Charleroi explique à ses agents que s'ils s'estiment exposés inutilement, ils peuvent déposer des plaintes devant la commission de la vie privée. Mais est-ce si simple que ça? Quel est le droit à l'image pour des policiers dans l'exercice de leurs fonctions? Écoutez l'avis de l'avocat Alain Berenbaum. Le grand principe est le suivant, c'est que toute personne privée a droit à la protection de son image parce que c'est l'expression de sa vie privée. En revanche, des gens qui se retrouvent volontairement ou involontairement pris dans le feu d'actualité doivent accepter, doivent se soumettre à ce qu'ils soient filmés ou photographiés au nom du droit à l'information de chaque citoyen. Et donc, les policiers qui sont évidemment, en tout cas dans l'exercice de leur fonction, des gens qui agissent dans le cadre d'une activité publique et donc sous l'œil des citoyens, doivent en principe tolérer d'être filmés et photographiés. L'avocat Alain Berenbaum, interrogé par Marc Sellerot. Le suspect de la fusillade d'hier soir à Gand est dans un état critique. Les tirs hier ont eu lieu vers 18h dans le centre de Gand. L'homme se promenait armé sur la voie publique. La police est intervenue. Les agents ont sommé l'homme de se débarrasser de son arme. Il ne répondait pas aux injonctions. La police a alors ouvert le feu. Pour l'instant, rien n'indique qu'il s'agisse d'une attaque terroriste. C'est ce qu'a confirmé le parquet de Flandre orientale. Dans l'actualité internationale, en Autriche, un homme a poignardé deux passagers d'un train ce matin. Selon la police, il s'agit de l'acte d'un déséquilibré. L'hypothèse terroriste est largement exclue. Deux passagers de 17 et 19 ans ont été blessés au ventre et au cou. Les victimes sont hospitalisées. Cette attaque a eu lieu 3 jours après une agression similaire en Suisse. Aux États-Unis, les intempéries en Louisiane ont fait 7 morts, 30 000 personnes ont dû être secourues. En Californie, ce sont les flammes qui posent problème. Un nouveau feu de forêt force des milliers de personnes à évacuer. Aux Jeux Olympiques de Rio, les Red Lions se tenteront ce soir de se qualifier pour la finale du tournoi de hockey. À 22h, ils affronteront les Pays-Bas dans un duel fratricide. Le capitaine John Domen sait que la Belgique s'attaque à un très gros morceau. Ouais, c'est une très très bonne équipe. Techniquement, je pense que c'est la meilleure équipe du monde. Maintenant, physiquement, on est plus fort normalement. Quand on joue une médaille, de toute façon, il n'y a rien qui fait peur. Ne pas croire qu'on est déjà arrivé, c'est ça peut-être le défi ? Non, il n'y a pas de risque. On va juste être hyper motivé pour avoir cette médaille. On sait que ce n'est pas encore gagné, mais ça ne nous fait pas peur et on va continuer à bosser comme on est en train de faire pour l'instant. Une interview d'Éric Libois. À suivre aujourd'hui aussi la course à la médaille en voile pour Evie Vanacker. La suite du parcours Omnium de Jolien Dour en cyclisme sur piste. Et 6 athlètes également, parmi lesquels Anne Zagré sur 100 mètres et Jonathan Borlée sur 200 mètres. Il y avait un peu moins de monde que les autres années à Liège pour les festivités du 15 août en ce long week-end. 180 000 personnes au total. Les organisateurs craignaient que leur événement soit fortement impacté par la menace terroriste. Habituellement, 200 000 personnes se rendent à Liège pour fêter la République libre d'Outre-Meuse. Et la fête, en fait, n'est pas encore tout à fait finie. Il reste l'enterrement de Matilloé cet après-midi et le feu d'artifice ce soir. RTBF Mobile Info avec Jean-Marc Strel et il y a du monde vers la mer. Oui, effectivement, circulation dense sur le 40 Bruxelles-Ostende en direction du littoral. Ça coince à partir de Mel jusqu'à Alter, ce qui représente tout de même 10 km de fil, donc un peu de patience. Du monde aussi sur le 40 venant de Liège, cette fois entre Heerberg et Woluwe-Saint-Etienne pour rejoindre Bruxelles. Et le 40 venant de Gand entre Ternat et Grand-Bégard. La circulation extérieure du ring également entre Woluwe-Saint-Etienne et Wimmel vers Grand-Bégard. Et la circulation intérieure entre Bercé-les-Forêts vers Grand-Bégard et entre Wezembeek et Terveren vers Waterloo. Un problème sur la route ? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Un air de vacances continue sur Viva avec Stéphane Piedboeuf et on va parler de Boris. Oui, bien sûr, on ira chez Boris tout à l'heure à 12h30. Mais là, on va écouter un gars qui a cartonné. Je ne sais pas si vous connaissez Lost Frequencies. Évidemment. Il a mis le feu. C'était Place des Palais dans le cadre du Brussels Summer Festival. Vous l'avez vécu en direct sur Vivacité avec Marc Vernon et Marion Jomotte. On va écouter Reality, Lost Frequencies. C'était un show gigantesque. Vous y étiez ? Non, malheureusement. Ah bah c'était top. Il y avait Emma Bale. Enfin, c'était vraiment un show exceptionnel. Et vous, on vous retrouve un petit peu plus tard, c'est ça ? Un peu plus tard, dans l'après-midi. Dans l'après-midi. Midi, mais bon, il y aura le journal à 13h, bien sûr. Exactement. Vous voulez investir auprès d'une personne de confiance ? Rendez-vous chez l'agent bancaire AXA près de chez vous ou sur axabank.be/investir. AXA, réinventons la banque. Un air de vacances sur Vivacité. De 11h à 13h avec Stéphane Piedboeuf. To anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm wishing no. I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Decisions as I go. To anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm wishing no. I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Et dans quelques secondes, notre deuxième tube de l'été sélectionné pour vous est déjà sur vivacité.be avec le clip. Ce sera Laurie et sur un air latino. Mais attention, je vous rappelle notre grand concours qui vous permet de gagner, vous et trois autres personnes, une journée inoubliable à Peridaisa, deux adultes, deux enfants. Une journée magnifique en famille pour aller par exemple voir le village des rapaces, l'oasis et ses animaux, ou encore le village de Timor, le village lacustre. Il y a le chemin de la guérison aussi, alors ça c'est pas mal. La cité des immortels par exemple, et oui c'est un chemin qui était tant vanté. Et donc après la porte en fleurs de Bégonia, encadrée de deux fenêtres décorées, à droite d'un Penjing pierre et à gauche d'un Penjing arbre, vous allez pénétrer dans un corridor de 500 mètres de long, 500 d'un muret scandé de multiples motifs, des mosaïques, bref on est complètement ailleurs à Peridaisa, hein. C'est magnifique, c'est bien plus qu'un zoo. Il y a les animaux, il y a les pandas aussi que vous irez voir. Une journée inoubliable à gagner sur Vivacité au 60-03 pour 75 centimes d'euros, l'envoi de message. Mais à condition d'avoir la bonne réponse, en une seconde, êtes-vous capable de trouver un artiste? On va vous passer une seconde d'une chanson du répertoire d'un artiste et il faut m'envoyer son nom par SMS au 60-03. Écoutez bien. Ah oui, ça passe vite une seconde. Ce n'est pas James Brown, comme vous nous l'avez envoyé à quelques reprises par SMS. De qui s'agit-il? Avez-vous une idée de qui se cache derrière cette seconde? Ce n'est pas non plus Prince, donc de qui s'agit-il? Écoutez bien. Si vous avez la réponse, 60-03 par SMS. Et dans quelques minutes, eh bien, on vous appelle en direct sur Vivacité pour vous offrir Peridaisa pour 4 personnes. C'est l'été. Et qui dit été dit... Salut maman, dis, est-ce que tu peux nous déposer mes potes et moi à l'aéroport demain? Mais en fait, ce que votre fils veut dire, c'est... Bon maman, tu passeras bien 2 heures dans les bouchons demain pour nous déposer à l'aéroport. De toute façon, tu peux rien me refuser et puis les autres parents sont pas dispo. Allez, à demain. Rendez-vous service et faites plaisir à vos enfants en devenant amis chauffeurs. N'allez pas à l'aéroport, mais à une gare SNCB, où ils prendront le train de l'aéroport. Vous évitez les bouchons et pouvez même remporter des vacances de rêve. Participez au concours sur amichauffeur.be. Le train... Sprite. Du pur rafraîchissement et puis c'est tout. Sprite, born to refresh. Vivacité et les groupements du folklore gastronomique de la province de Liège présentent la 33e journée annuelle des confréries gastronomiques de Wallonie et Bruxelles-Capitale le dimanche 21 août à Dolin-Limbourg. Dès 10h, plus de 50 confréries gastronomiques vous présentent les produits des terroirs wallons et bruxellois. Entrée gratuite et parking aisé avec la province de Liège et la ville de Limbourg. Dès 15h, Vivacité vous donne envie de vivre ici. Un air de vacances sur Vivacité. Ancienne chanteuse de patinage artistique, Laurie avec Sur un air latino, c'est votre deuxième tube de l'été de ce mardi, extrait de la réédition de son deuxième album qui s'appelle Tendrement. Tant que ça date de l'année 2003 et elle a quand même vendu 700 000 exemplaires durant l'été de cette année-là. Son clip tourné sur une plage de Cuba est sur vivacité.be et c'est vrai que ce clip a contribué incontestablement à son succès. Voici Laurie sur Vivacité avec Sur un air latino. J'ai cherché un sens à mon existence. J'y ai laissé mon innocence. J'ai fini le cœur sans défense. J'ai cherché l'amour et la reconnaissance. J'ai payé le prix du silence. Je me blesse et je recommence. Tu m'as comme donné l'envie d'être moi. Donné un sens à mes pourquoi. Tu as tué la peur qui dans mes qui a représenté la France au grand concours Eurovision de la chanson le 14 mai dernier. Et il était d'ailleurs dans le 8-9 ce matin avec Benjamin et toute l'équipe. Et ça nous a fait plaisir d'écouter J'ai cherché sur Viva. Nicolas Xavier Ladouce est de retour pour la météo de vos vacances. Sylvain Hugo part à Cagnes-sur-Mer dans le sud de la France. Alors Nico, c'est un bon temps ou un temps à jouer la pétanque à l'intérieur? Ah bien mon petit, on a des choses à dire là dans le sud. Du côté de Cagnes-sur-Mer, eh bien malheureusement, pour mercredi et jeudi, il faudra composer avec un risque d'averse éventuellement orageuse. Et puis le temps se remettra avec soleil et nuages en alternance pour vendredi et samedi, soleil dimanche. Côté température, eh bien on va avoisiner chaque jour les 27 à 28 degrés. Dans l'eau, là, ce sera 24 degrés et l'index UV est de 7. Donc il faut se protéger la peau. C'est toujours comme ça, quand le soleil cogne à Cagnes, eh bien, si tu ne mets pas de crème, tu es un fada. Excellent, merci Nicolas. Partons à Syracuse, dans le sud-est de la Sicile, afin de faire plaisir à Bernadette et Jean de Huy, qui partent demain prendre un bain de soleil. Bernadette et Jean, ils ne sont pas bêtes, hein. Ils descendent bien au sud pour trouver le soleil, et pour le trouver, ils vont vraiment le trouver. On attend 27 degrés aujourd'hui à Syracuse, 29 pour demain, jeudi 28 degrés, vendredi 28 également, et puis 29 à 28 aussi pour le prochain week-end, le tout sous un grand soleil. La température de l'eau de mer, 26 degrés, et l'indice UV de 8, donc là, protection plus qu'obligatoire. Merci Nicolas Xavier Ladouce, vous reviendrez demain pour la météo des plages et des vacances, que vous pouvez d'ailleurs demander si vous partez dans les prochains jours ou que vous avez des connaissances qui partent, eh bien n'hésitez pas à demander la météo via notre site internet, c'est gratuit, vous allez sur vivacité.be, vous cliquez sur un air de vacances et puis sur contactez-nous et hop, on reçoit tous vos emails et on vous donne la météo de vos vacances dès demain dans un air de vacances. Viva. Vivacité présente, en partenariat avec Engie Electrabel, le beau vélo de Ravel. Rendez-vous ce 20 août à Arlon, la ville la plus ancienne et la plus méridionale de notre pays de Cocagne. Nous partirons à l'assaut des fameuses Cuestas et nous ferons une incursion au Grand-Duché avant d'applaudir le régional de l'étape, Jean-Luc Fonck et le groupe Stella. À samedi les amis. Avec le soutien de la Wallonie. En forme pour préparer le beau vélo de Ravel avec Engie Electrabel. Topitz, astuce congélation du jour. Nous sommes les 5 congélations Topitz, de vrai dur à cuire. On se tient toujours droit pour facilement nous remplir. Topitz, tout pour garder vos aliments au frais. Aussi frais que frais avec Topitz. Vous souhaitez aménager votre intérieur avec de nouveaux placards? Vous rêvez d'un dressing sur mesure? Ego vous propose des solutions de rangement qui s'adaptent à votre intérieur, mais aussi à votre budget. Et pour que votre rêve devienne réalité, Ego vous offre jusqu'à 1000 euros de remise pour un placard parfaitement équipé. Conditions sur ego.be. Jusqu'à 13h, un air de vacances sur Vivacité. You've given me. Did you never worry that I come to depend on you? I gave you all the love I had in me. Now I find you lied, and I can't believe it's true. Going on. Oh, you talk of love, but you don't know how it feels when you realize that you're not the only one. Tried to walk away. I tried to walk away. But it's not that easy when your soul is torn in two. So I just resign myself to it every day. Now all I can do is to leave it up to you. Oh, you'd better stop. Quelle bonne idée d'avoir choisi Vivacité pour passer votre temps de midi avec Stop, c'était Sam Brown. Appelons chez vous, tiens, non pas pour vous déranger, mais pour vous offrir un chouette cadeau, une journée inoubliable à Paradisa. Une famille va gagner tout de suite, deux adultes, deux enfants, une invitation pour aller profiter de ce parc Allô magnifique. Bonjour. Bonjour. Quel est votre prénom? Annette. Comment ça va, Annette? Oh, ça va super bien. Je suppose que vous m'appelez pour le jeu. Absolument pas. Oh, c'est dommage, parce que ce seraient mes petites filles qui seraient contentes. Ah non, non, non, moi j'appelais juste pour prendre de vos nouvelles, Annette. Ah oui, c'est vrai. Oui, où habitez-vous? À Liège. Ah ben voilà, justement, c'est pour le sondage du 15 août, c'est pour savoir si vous avez bien profité du 15 août à Liège. Oui, on a bien profité du soleil. Voilà, Tchantché et Nanès, c'était là, sympa. Oui, oui, oui, tout le monde était là. Vous avez bu un peu de péqué? Non, non, non. Non. Non, j'ai été sage. Donc, c'était plutôt quoi alors? Quand on est sage, on boit quoi? Oh non, j'ai joué avec, oui, un petit coup de bière et j'ai joué avec mes petites filles, voilà. Vous avez combien de petites filles? Trois petites filles. Trois petites filles. Elles ont quel âge? 8 ans, 6 ans et 2 ans et demi. Elles ont déjà été à Paradisa? Jamais. Jamais. Oh là là. Ce serait quand même bien de les envoyer là-bas alors. Hein. Oh, ce serait formidable. Bon, on va écouter l'extrait. Oui. Hein? De qui s'agit-il? Michael Jackson. Comment? Michael Jackson. Attendez, vous êtes sûr? Vous avez envoyé Michael Jackson? Oui, oui. Mais oui, Annette, je suis sûr. Annette, vous avez envoyé Michael Jackson? Oui, oui, j'ai envoyé Michael Jackson. Bon, réfléchissez bien. Vous êtes sûr que c'est Michael Jackson? Oui. Vraiment, vraiment? Oui. Certaine à 150%? Oui. Eh bien, oui, vous avez raison. Eh bien, c'est gagné, Annette. Merci, merci, vraiment, formidable. Vous irez à Paradisa. Oh, et ma petite fille qui est là, toute la petite. Oui, tu peux dire bonjour, dis bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour, comment tu t'appelles? C'est Manon. Bonjour Manon, bienvenue sur Vivacité, tu vas aller à Paradisa avec mamie. Oui, oui, oh, c'est formidable, merci mille fois. Eh ben voilà, l'occasion une fois de plus de dire oufti, puisque vous êtes à Liège, hein? Exactement, oufti. Oufti, j'ai gagné, tchouri. Merci, bon, merci vraiment. Gros bisous, à bientôt. Gros bisous, à bientôt, oui. Et dans un instant, on appelle Boris, le gars des soirées disco. Il s'appelle Philippe Donde, ce sera juste après. Bienvenue, voici Emmanuel Moir sur Vivacité. Je n'ai plus rien à faire à part te garder inondé de lumière, toi mon invité. Je n'ai plus qu'à te suivre, à toi de placer pièce d'or ou de cuivre ton soleil d'été. La fonte, ton heure sur ma montre est venue, bienvenue. Plus rien ne compte depuis la rencontre. Je ne veux rien de plus. L'honneur ou la honte, de toi je te montre ton étoile apparue. Bien. J'ai passé la frontière, moi, ton passager. Je n'ai plus qu'à te vivre, le jour s'est levé. Page nue de mon livre, pour ton encrier. Ton heure sur ma montre est venue, bienvenue. Plus rien ne compte depuis la rencontre. Je ne veux rien de plus. L'honneur ou la honte de toi. Est-ce un soir de juillet? Si on te le demande, tu peux l'inventer. Était-ce à toi de m'attendre? Était-ce à moi de rappeler qui de nous deux a commencé? Était-ce dehors ou ta chambre? Était-ce ta porte, ton idée? Fais-tu semblant d'avoir oublié? Était-ce à toi les mots tendres? Était-ce à moi d'embrasser la première fois où je t'ai rencontré? Je me rends compte depuis la rencontre pourquoi j'ai attendu la neige ou la fonte. Ton heure sur ma montre est venue, bienvenue. Toute la musique que vous aimez tout l'été sur Vivacité avec dans un instant Tal, Are We Awake. Ce soir, je vous Alors là, franchement, moi, je suis ravi, mais je suis très, très heureux parce que tout au début de l'été, on vous a diffusé Boris Soirée Disco, le tube de l'été 1995, et il est avec nous par téléphone. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce qu'on doit dire Boris ou Philippe Donte? Le Boris est plus connu que Philippe Donte. Philippe Donte, dans mon secteur, je suis connu en tant que ancien animateur de radio, mais finalement, le nom du personnage à gagner, c'est Boris. Effectivement, mais combien d'exemplaires vous avez vendu de Boris avec Soirée Disco? C'est énorme. Des milliards, monsieur, des milliards. Bah oui, c'était énorme. Vous étiez même le générique de l'émission d'Arthur, je pense, à la télévision. Effectivement, Arthur nous avait chopé en tant que générique. J'avais eu la chance d'avoir la voix off qui présentait tous les artistes derrière le rideau. Enfin, c'était une belle époque. Et tu fais bien d'appeler parce que c'était 20 ans. Bah oui, c'était il y a pile 20 ans. C'était. C'est l'année anniversaire. Tu devais pas être vieux, hein. J'étais pas très vieux à ce moment-là, mais je dois dire que c'était un truc qu'on écoutait non-stop, quoi. Je veux dire, c'est hyper addictif. Bah, nous d'ailleurs, on a fait clignoter le studio avec Soirée Disco quand on l'a diffusé avec le Réel. C'était tellement énorme. Et quelle était la genèse du projet? Comment c'est né exactement? Puisque vous étiez animateur radio sur Radio Galaxy, si je me souviens bien. Voilà. Et comment est né Boris finalement? Il est sur une table de mixage parce que le soir, je faisais 16h-21h, je savais que la dernière heure, j'accompagnais la trance musique sur Galaxy et je m'inventais des petites histoires sur de la trance où les intros étaient très très très longues et je m'inventais un petit personnage. Et je me suis enregistré sur les cassettes à l'époque. Ouais. Et puis tiens, je trouve ça pas mal d'avoir inventé ce petit personnage et j'ai recommencé tous les soirs et le personnage Boris était né. En fait, c'était un personnage qui véhiculait sur... de différentes façons selon l'atmosphère de la musique ambiante derrière et voilà. Et puis après on a décidé de le proposer à des maisons de disques. On en a fait un album et il y avait Soirée Disco dedans qui était Miss Camping aussi. Et ben bizarrement Miss Camping il n'y était pas au début sur l'album. Ah oui, parce qu'on s'est rendu compte que finalement le Boris faisait rire, enfin c'est un grand mot mais en tout cas faisait sourire. Et donc il n'y avait pas trop dans l'album, il y a des chansons, des histoires plutôt tristes, mélancoliques, mais pas de trucs qui faisaient sourire autant que Soirée Disco. Ce qui fait que quand le soirée disco a cartonné en France et en Belgique, on a décidé de refaire une histoire et de la rajouter sur l'album en deuxième édition d'un album et de refaire revivre cet album qui a finalement cartonné, qui a fait aussi disque d'or en France, en Belgique, et Miss Camping est devenu aussi un succès. Comme maintenant, donc, il y a 20 ans, au mois d'août, dans le top belge, c'était Miss Camping. Ouais, effectivement, Miss Camping, on s'en souvient aussi. Et pourquoi aujourd'hui, il n'y a plus... Enfin, vous êtes encore actif dans la musique, pourquoi on ne vous entend plus? Pourquoi Boris ne revient pas? Parce que ça manque un peu, là, dans les tubes de l'été, d'avoir un bon hit comme ça en français. Des disques parfois avec clin d'œil humoristique ou qui tentent un petit peu, parce que là Boris c'était quand même bizarre d'avoir cartonné en n'ayant pas vraiment ni de refrain bien spécifique ni surtout de rime. C'est quelque chose, on essaie de considérer dans le métier un petit peu comme un ovni, c'est quelque chose de complètement différent, ce qui fait ça que ça a marché, quoi. Mais c'est dur de revenir. Et on me pose toujours la question, mais je me dis, je crois que les gens diraient toujours c'était quand même mieux sur la disco. Ouais, c'est ça. J'ai quand même l'impression que les gens sont au travail à la nostalgie. Et ils aiment bien ça. Et ça m'empêche pas de faire vivre le Boris régulièrement, tous les week-ends. En France, en Belgique, on a fait un gros show l'autre jour à Namur concernant les années 90. Ouais. Le Boris a mis le feu. C'est là que je vois qu'on est rentré dans les mémoires avec un titre un petit peu amusant comme ça qui n'était pas fait au départ pour faire un tube et qui en a fait un. Ouais, c'est énorme. Et donc aujourd'hui, donc tous les week-ends, Boris revit quoi. Un petit peu, oui, à travers les gens, parce que les gens sont très nostalgiques. Tu sais, à partir de 30 ans, je crois que les gens écoutent les chansons de leur jeunesse, que ce soit ils avaient 5 ans, 10 ans, où les anciens clubbeurs, ceux qui sortaient et qui dansaient sur soir à disco, maintenant sont des quadras. Les quadras veulent s'amuser, un petit peu comme le revival des années 80. Et là, à mon avis, on sent arriver le revival années 90 pour tous ceux qui ont la nostalgie. Donc, on le fait revivre avec grand plaisir et c'est toujours la fête, en fait. Bah, effectivement, c'est vraiment un tube qui nous fait chanter, qui nous fait danser. Alors, vous êtes plutôt camping ou hôtel ? Camping, j'imagine. Ah ben, j'étais camping, maintenant, avec l'âge, monsieur devient hôtel. Hein. Mais j'étais camping, j'ai beaucoup été camping, oui. Piscine, mer ou montagne ? Piscine. D'accord. Quelle est la météo idéale de vos vacances ? 29 dans l'eau et pas plus de 30 dehors. 29 dans l'eau, ça existe ça ? Oui, en piscine. Ah oui, d'accord. Boisson. Faut partir en Polynésie sur la mer. Ah oui, ça c'est clair. Boisson, vous êtes plutôt apéro, petit vin, petit cocktail, autre chose ? Je suis pas très apéro, mais si je dois en prendre un, je prendrai des vins. Tout ce qui est vin nature, rosé, ou vin rouge, ou vin blanc. D'accord. Votre plat préféré de l'été ? Ben, les tomates. Ah bon ? Ouais, juste les tomates. Oui, parce que j'en fais pousser et elles sont super bonnes. Sans mozzarella ? Non, sans mozzarella, parce qu'après, bon, la mozzarella, on prend des kilos, enfin, sur l'été, c'est pas terrible. D'accord. Mais non, mais tu sais que la bonne tomate, quand elle est vraiment bonne, hein, quand c'est une bonne tomate, n'a besoin de rien, juste un filet d'huile d'olive et c'est parfait. Oui, ça c'est, oui, pourquoi pas. Mais c'est étonnant, que des tomates. Faut en mettre dans ton jardin. Oui, parce qu'après, elles sont plus bonnes, donc faut en profiter, faut se gaver de tomates l'été, parce qu'après, bah, fin septembre, c'est terminé. Ça me rappelle un tube, ça, mange des tomates, hein. Mange des tomates, nuit et jour. Bon. Les tomates et puis la glace, vous en mangez quand même un peu. La fraise, la vanille, le chocolat. Oui, c'est un sorbet cassis. Cassis. Dans quel endroit vous sentez-vous en vacances, chez vous, en France ? Dans le Lot-et-Garonne. Alors, le Lot-et-Garonne, il y a la mer là-bas ? Non, il n'y a pas la mer. Il n'y a pas la mer ? Il y a la piscine. Ah, il y a la piscine, d'accord. Et votre station balnéaire préférée en France ? Station balnéaire. Oh, je ne sais pas. J'ai vu sur votre Facebook que vous étiez à Cagnes-sur-Mer au mois d'août, au début du mois d'août. Ouais, mais il faisait un peu frais. Il faisait un peu fatigué. D'accord. Je vais pas dire que ça va être ma préférée. Je vais plutôt partir dans le sud. Je vais dire Port-Barcarès. Port-Barcarès, ok. Bah, c'est bien noté. Bon, à part Boris, quelle est la chanson qui représente le mieux l'été pour vous ? Autrement dit, en dehors de Boris, votre tube de l'été préféré ? Oh, je dirais que c'est peut-être les Négresses Vertes. Les Négresses Vertes avec Je veux du soleil ? Non. Sous le soleil de Bodega ? Non. Voilà l'été, voilà l'été. Ah ouais, voilà l'été, effectivement. C'est là alors. Ouais, effectivement, et il est au taquet, il s'appelle Fabien d'ailleurs, et vous faites toujours de la radio ou pas ? Non, la radio j'en fais plus, sauf de temps en temps le mardi entre 12h30 et 12h45. Ah ouais, c'est ça. Sur Vivacité. Sur Vivacité, ouais, de temps en temps. Mais en tout cas, maintenant qu'on a votre numéro, on n'hésitera pas à vous rappeler. Mais en oui, tout cas. Plus après 2h du matin, mais sinon, vous pouvez y aller. Mais toute la nuit, on va vous réveiller toute la nuit. En plus, là, on a votre numéro de fixe, donc on peut vous réveiller à gogo. Mais en tout cas, merci beaucoup, parce que franchement, ce tube Boris est juste exceptionnel. C'est juste énorme. Moi, je m'en souviens, on a vraiment dansé, on s'est amusé comme des fous sur ça. Ce soir, chez Boris. Bah merci. Voilà, ça fait 20 ans, il y a déjà 20 ans ce truc et bah oui, c'est dingue, effectivement les gens qui ont 30 ans aujourd'hui, 32 comme moi, bah c'est voilà, on avait 12 ans quoi, donc on dansait là-dessus dans les cours de récré, c'était c'était juste énorme, quoi. Et je me souviens de la pochette noire avec le petit personnage de Boris. C'était les singles à l'époque, les singles se vendaient encore bien et il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas. Voilà, c'était génial, quoi. Les hit-parades avaient du sens. Ah, je suis nostalgique déjà. Oui, effectivement. Mince, je deviens vieux. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Boris, Philippe Dante. On peut vous suivre sur Facebook pour suivre un petit peu votre actualité, des fois que vous reviendriez en Belgique. Soit avec mon prénom. Donc, Philippe Dante. Soit sur le Boris Soirée Disco Officiel, ça s'appelle. Voilà, Boris Soirée Disco Officiel ou Philippe Dante, vous tapez ça sur Facebook, vous likez, vous cliquez sur ajouter et comme ça, bah, vous serez au courant des plein de vos amis. Ben oui, on vous en envoie des dizaines. Allez, à bientôt, merci beaucoup Boris. Ciao, ciao. À bientôt. Chez Cora, les petits prix ne sont jamais en vacances et surtout pas avant la rentrée. Un choix comme ça, c'est chez Cora. Ou chez Cora. Tu as envie d'apprendre un métier à l'école et de te sentir exister? Tes parents veulent que tu sois bien formé et encadré? C'est Don Bosco Liège qu'il te faut. Une école reconnue auprès des entreprises. Formation technique, professionnelle et aussi un CFA pour apprendre en alternance. 04 229 78 70 ou idbl.be. Don Bosco Liège, une école où j'existe. Ouvrir des portes à vos enfants, c'est le but de Saint-Roch, Te et Spa. Que ce soit celle de l'enseignement supérieur grâce à nos sections générales ou un accès direct vers un métier grâce à nos formations qualifiantes. Les débouchés, puériculture, secrétariat ou nouveau cette année, gestion de très petites entreprises. Découvrez dès maintenant toutes les infos sur nos deux écoles en visitant saintroch.be. Le Monde Sauvage présente sa nouveauté 2016. Fraxinus. Tentez l'aventure en toute sécurité dans un parcours unique au sommet des arbres. Le Monde Sauvage des Wai et Fraxinus Aventure, E25, sortie 46. Jusqu'à 13h sur Vivacité, un air de vacances avec Stéphane Piedbeuf. D'une vie dans le noir, l'ennui éteint tous nos espoirs, inconscient, une vie illusoire et incapable de voir. Mais tu sais que sans en avoir l'air, tu construis l'histoire, à chacun sa gloire. S'arrêter quelques heures, s'en aller comme un avion qui part. Qui nous laisse. Sommes-nous éveillés? Are we awake? Are we awake? Où sont nos je t'aime? Are we awake? Are we awake? Time to wake up right now. De refrains utiles, combien de chansons dans les airs, vie facile, sortir de la ville et s'éveiller vers la mer. Mais tu sais que sans en avoir l'air, tu construis l'histoire, à chacun sa gloire. S'arrêter quelques heures, s'en aller. Sleep all day, gonna pack it up, pick it up, be on my way, cause I'm motivated, dedicated. It's a man revolution, love is the solution, no man can escape evolution, so we have to free our minds if I'm not. We are we awake? C'était Tal. Le beau vélo de Ravel, c'est au Vivacité. Et le beau vélo de Ravel mettra le cap sur Arlon ce samedi. Et dans ce cadre, nous retrouvons immédiatement Adrien Jovenot et son invité pour nous parler des règles à suivre lorsque l'on se promène sur le Ravel. Bonjour Adrien. Bonjour Stéphane. Bonjour à toutes et à tous. Le Ravel, c'est aussi une affaire de convivialité, de sécurité routière qui nous concerne tous. On va en parler aujourd'hui avec Alice Gobiet du service public de Wallonie. Bonjour Alice. Bonjour. C'est vrai, on est en pleine liberté sur le Ravel, mais il y a aussi des règles à respecter. Ben oui, c'est clair. Sur le Ravel, vous pouvez croiser plusieurs types d'utilisateurs, des piétons, des cyclistes, des cavaliers. Nous, ce qu'on tient vraiment à souligner, c'est l'importance de la convivialité sur le Ravel. Il faut que les cyclistes fassent attention aux personnes qui se promènent avec des chiens, aux petits-enfants qui se trouvent sur le Ravel, aux enfants qui apprennent aussi à rouler à vélo, aux personnes âgées qui se promènent. Donc, dans ce cadre, nous, on rappelle, la vitesse maximum sur le Ravel, c'est 30 km/h. Ce qui est déjà vraiment pas mal, donc voilà, faites attention aux autres. Oui, ce n'est pas un vélodrome. Alors il y a une question qui revient souvent, les vélos à assistance électrique, est-ce qu'on peut les utiliser sur le Ravel? Alors oui et non, on peut utiliser seulement les vrais vélos à assistance électrique, donc ceux qui ne dépassent pas les 25 km/h et qui ne sont pas entièrement motorisés, donc il faut que le système d'assistance électrique s'actionne juste quand on pédale. Mais les autres vélos qui ne correspondent pas à ces critères, eux, ne peuvent pas rouler sur le Ravel parce qu'ils sont assimilés à des mobylettes ou à des motocyclettes. Donc il faut que les utilisateurs aillent sur la route et surtout qu'ils mettent un casque, c'est la loi. Maintenant, il faut noter qu'il existe un flou dans la législation avec ce qu'on appelle les speed pédélecs, qui sont des vélos un peu plus puissants que les vélos à assistance électrique de base, qui permettent de rouler encore un peu plus vite, puisque le gouvernement fédéral est en train de réfléchir à la meilleure manière de classer ce type de vélo. Mais voilà, on attend encore les résultats. Ah, on n'est pas des fanjos sur le beau vélo. La sécurité avant tout, c'est important. Oui, et d'ailleurs, si vous êtes intéressé par les règles de sécurité des cyclistes sur le Ravel ou dans la circulation, il faut savoir que l'Agence Wallonne pour la sécurité routière a lancé cet été une grande campagne de sensibilisation à la sécurité routière pour les vélos. Donc voilà, ça apprend aux cyclistes à rester vigilants, on va leur rappeler de prendre leur place dans le trafic, faire attention à l'angle mort, voilà, veiller à être bien vu sur la route, mais c'est aussi un petit rappel pour les automobilistes. Oui, parce que il faut effectivement les sensibiliser également, qu'ils fassent attention aux cyclistes. Oui, on va rappeler à l'ouverture de votre portière, faites attention si vous êtes le long d'une piste cyclable. C'est l'un des accidents les plus fréquents des cyclistes qui n'ont pas le temps d'échapper à l'ouverture de la portière. Et voilà, faites de manière générale attention aux cyclistes quand vous êtes sur la route. On vous invite à vous rendre sur la page tousconcernés.be et là vous avez toutes des infos sur cette campagne de sécurité routière. Dont nous reparlerons samedi à Arlon avec une ardeur d'avance. Merci beaucoup Alice. Bonne semaine et à samedi. À samedi. Merci Adrien. Et puis toutes les infos sur le beau vélo de Ravel. D'ailleurs, vous avez les photos aussi du beau vélo de Ravel de l'étape de Namur qui s'est déroulée samedi. Rendez-vous sur vivacité.be. En forme pour préparer le beau vélo de Ravel avec Engie Electrabel. Génial, le parc du Montmauzan. Les spectacles d'otaries, de perroquets, le mini-zoo, les attractions, le mini-golf, la plaine de jeux. Mes parents aussi ont adoré. D'ailleurs, ils m'ont promis qu'on y retournerait. Une journée toujours inoubliable au Montmauzan, pleine de la Sarthe à 8. Surfez sur montmauzan.be. Parc le Montmauzan, une montagne d'amusement. Vous connaissez l'histoire de cet électricien qui a pété les plombs? Ou celle de ce marchand d'antivol qui s'est fait cambrioler? Ou de cette entreprise d'extincteurs qui a brûlé? Non, c'est normal. Vous avez mieux à faire qu'imaginer le pire pour votre entreprise. Moi, c'est mon métier. Alors, passez me voir et effectuons un check-up de vos assurances professionnelles. J'ai plein de conseils à vous donner. Pour maintenant et plus tard. Votre agent d'assurance CBC. Anticipez pour mieux faire avancer les entrepreneurs. CBC, décidez d'avancer. Auto présente le mois de Wowout. Semaine 3, une copie conforme du scénario de la semaine 2. Avec chaque mercredi, 500 000 euros ajoutés au jackpot. Waouh! Ce mercredi, 1 500 000 euros à gagner. Jouez au loto. Jusqu'à 13h, Vivacité en air de vacances. Closed my door, forgot my key. Missed my bus in the pouring rain. It's been the usual Sunday with a flu. And I just can't get over you. Burnt my toast and lost your number. Cut my finger, spilled my beer. It's been the usual Sunday with a flu. And I just can't get over you. I put your stockings in my purple boots. What if I don't get over you? Had a chat and left my hat. Ate my dog and walked my cat. It's been the usual Sunday with the flu. And I just can't get over you. Put your stockings in my purple boots. What if I don't get over you? Stockings in my purple boots. What if I don't get over you? Cold the cabbage, threw the garbage, asked for help and got some help. It's been the usual Sunday with the flu. And I just can't get over you. I put your stockings in my purple boots. C'était Sunday with the Flu avec Yodelis sur Vivacité. Émilie ? Oui ? Ça va ? Ça va. Dans quelques instants, l'été du bon côté. Oui, je veux dire, pourquoi je chante comme ça ? Je suis de mauvaise humeur là. Ah bon ? Pourquoi faire ? Je viens de me faire arnaquer par la machine à café. Ah, bienvenue voilà. Au club. Voilà. J'ai mis une pièce de 50 cents dans cette machine à café, hein, comme ça tout le monde le sait. Et vous avez peut-être les mêmes problèmes au boulot, parce que c'est le genre de machine à café qu'on retrouve dans plein d'entreprises. Mais 50 cents dedans, on appuie sur le bouton, on entend la machine qui fait zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz de sucre alors que j'avais cliqué sur sans sucre quand même. Hein, mm-hmm. Donc comme quoi on nous arnaque parfois sur les marchandises. Et donc du coup j'ai pas eu de café. Donc voilà, je suis de mauvaise humeur. Bon, peut-être qu'un petit peu de musique ensoleillée va vous faire du bien. Mais oui, dans un instant, nous irons au Liechtenstein. Tout à fait. Avec vous, mais d'abord, mm-hmm. nous allons prendre la direction du Portugal. Voilà, avec le Tip Top portugais, le classement du 13 août, donc c'est tout récent. Et en troisième position, c'est Kongs. Faut pas oublier que les Portugais ont gagné l'Euro, donc forcément David Guetta, il est toujours dans le top 3, il est deuxième avec This One's For You, l'hymne de l'Euro 2016. Et en tête du classement, Émilie, vous avez une petite idée de qui est numéro 1? Bah si c'est, parce que vous avez déjà fait le Portugal, donc si ça n'a pas bougé, ce serait l'Espagnol. L'Espagnol. Enrique. Enrique Iglesias. Ça n'a pas bougé. Avec Duele el Corazón, ah, ça n'a pas bougé. Et ben voilà, c'était le Tip Top du Portugal et le Tip Top belge, vous le retrouvez sur vivacité.be. Maintenant, nous allons prendre la direction du Liechtenstein. Vous avez réussi à trouver des trucs au Liechtenstein. Tout à fait, mais on va d'abord commencer par l'hymne national, s'il vous plaît, tout le monde se lève. Et normalement, oui. Cette petite musique devrait vous dire... Bah, ça ressemble vaguement à quelque chose que je connais. Bah oui, c'est l'hymne anglais, là. Vous nous êtes exactement. En train de nous arnaquer eh sur ben, la marchandise. Figurez-vous, alors je n'ai pas été faire des recherches approfondies, mais effectivement, l'hymne national du Liechtenstein est basé, en tout cas au niveau musical, sur le God Save the Queen anglais. Ok. Voilà, ce ne sont pas les mêmes paroles. Je vous ferai une analyse complète dans les prochains jours. D'accord. Mais alors par contre, au niveau de la musique, ce que je vous ai décoté, il y a un petit montage qui est fait sur Internet qui dure une bonne dizaine de minutes avec tous les prétendants de la représentation du Liechtenstein à l'Eurovision 2017. Déjà maintenant. Alors, je vous en ai dégoté trois. Mais attendez, ils étaient à l'Eurovision 2016, le Liechtenstein ? Je ne sais pas, parce que maintenant, il y a des présélections, des finales, des demi-finales, des trucs, des machins, donc je ne sais pas. J'ai jamais entendu Liechtenstein One Point. Peut-être que ce sera pour 2017. Alors, voici un premier extrait que je vous propose. Alors, c'est une chanteuse liechtenoise, voilà, qui s'appelle Onage, je pense. Onage, c'est dit comme ça. Il y avait Kylie Minage. Kylie Minage, et là nous avons Onage. Donc, petite balade assez sympathique. Sinon, nous avons ceci. Ça roule, ça. Ça, ce sont les Pussy Lovers. C'est un petit peu plus... Attendez, il y a les Pussycat Dolls, les Pussy Lovers. Et les Pussy Lovers de Liechtenstein. Les Pussy Lovers, voilà. Mais c'est ça. Et alors, nous avons encore un troisième titre. C'est encore plus rock, c'est rock garage, ça. Hein. C'est un là, peu rockabilly. On est dans du... Enfin, c'est pas du ska non plus, c'est plutôt du punk. Ça s'appelle The Royal Funk Force. Et voilà donc trois titres, trois groupes parmi... 15-20 qui vont donc proposer leur service pour représenter le Liechtenstein l'année prochaine. Et franchement, on va faire un pari là maintenant sur Viva. Est-ce que vous pensez que même avec ces trois trucs là, est-ce que le Liechtenstein pourrait gagner l'Eurovision avec une de ces trois chansons? Mais moi je ne comprends plus la philosophie de l'Eurovision ces dernières années, parce que personnellement, des trois titres que je vous ai proposés, le premier, celui de la nana, de Onage, est très eurovisien. Oui. On est eurovisionné, je ne sais pas comment on dit. Oui, Eurovision, oui. Tout simplement. Oui, ça sonne Eurovision. Ça sonne Eurovision, voilà. Les autres, c'est un peu plus hard, mais en même temps, il y en a un qui était déguisé en monstre, en cochon venu de l'espace, là, il y a quelques années, qui avait gagné. Il y a un peu de tout, donc je ne sais pas. C'est l'Irlande, je pense, ou l'Islande. L'Islande, ouais, c'est ça. Donc je ne sais pas trop. Ouais. Enfin, voilà. Donc si vous voulez, demain, je peux m'occuper. D'un autre pays, d'ailleurs, on va le choisir tout de suite. L'Andorre, on est dans la même configuration. Andorre. Ok, donc demain, Andorre. Mais vous situez la principauté d'Andorre. Bien sûr, la principauté d'Andorre. Dans les Pyrénées, entre l'Espagne et la France. Oui, nous serons donc à Andorre demain pour votre défi, Émilie. Et puis dans un instant, vous vous installez pour l'été du bon côté. À moto, avec Didier de Radiguez, un super invité. Mais est-ce qu'il n'était pas à la télé ce week-end pour commenter un Grand Prix? On va lui poser la question. Si. J'ai cru lire ça. Ah, il n'est pas encore là? Non, il ne saurait tarder. Bon, et bien, il vient à moto en même temps. Mais il a son casque coincé sur sa tête. Bon, entre la moto et la météo, il n'y a qu'un pas. Et c'est maintenant que nous le franchissons. Ils sont avec Nicolas Xavier Ladouce. Vabona, votre arme contre les insectes. Très bonne journée à tous. Soleil et douceur participent à un ressenti très agréable ce mardi. Seul un fin voile nuageux et quelques cumulus du côté de l'Ardenne parcourent le ciel bleu. Des maxima en hausse, 21 à la mer, 22 à 24 degrés sur les reliefs et 24 à 25 degrés en général sur les autres régions. Un 26 degrés possible sous le soleil de Gaume. Le vent est modéré de nord-est, un peu plus soutenu à la mer que dans l'intérieur du pays. Puis pour ce soir et la nuit prochaine, vent qui devient faible partout, un ciel qui va bien se dégager, puis quelques fins voiles nuageux vont faire leur apparition sur la moitié sud du pays en cours de nuit. Minima de 10 à 13 degrés des Hauts-de-Fagne à la bordure côtière. Et puis demain, un mercredi dans des conditions tout aussi agréables, soleil et douceur, on atteindra régulièrement 26 degrés sur le centre du pays. RTBF Ovio, c'est ma toute nouvelle plateforme digitale audio et vidéo. RTBF Ovio, c'est en quelques clics une foule de contenus à voir et à écouter en direct, plus tard ou même avant les autres. rtbf.be/ovio. A-U-V-I-O. RTBF Ovio, libérez vos envies. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Vivacité les 13h. Les secondes sessions s'ouvrent dans les universités et les hautes écoles. Session un peu particulière pour les étudiants en médecine. Ils ne savent pas ce que devient le fameux concours de première bac. Dans quel état d'esprit sont-ils? Nous le verrons dans un instant. Les policiers de Charleroi ne veulent plus apparaître sur Facebook. Ils déposeront plainte contre le prochain qui poste une photo d'un agent en service. La plainte, toutefois, n'a pas beaucoup de chances d'aboutir. Nouvelle bavure au Yémen. Un hôpital de Médecins sans frontières a été bombardé par la coalition arabe. Il y a 11 morts. En hockey, les Red Lions sont à un match d'une médaille aux Jeux Olympiques. L'équipe nationale belge joue en demi-finale face à leurs frères rivaux, les Pays-Bas. Le journal de 13h avec vous, Simon Gérard. Bonjour. Bonjour à tous. Révision de dernière minute. La boule au ventre pour certains. Les secondes sessions démarrent dans les universités et les hautes